Restaurant La Table du Chef, bonjour. Bonjour madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes. En fait, nous serons 6. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement.